Non, non, c'est toi. Yes. Ah, right, man. Yes, écoutez, non, fun his. Il veut dire un truc. It's all right, man. Yeah. I am with Mac. Et Jean, il va venir. Alors, tout à l'heure. Écoute, écoute. Je vais casser la gueule, Jean. Jean est con. Il m'aime pas. Je pisse à l'arrêt, Jean. Jean, je pisse dans, entre l'arrêt. Jean, il a les fesses molles. Voilà. Sandy, elle est con. Sandy, elle a les grosses fesses. Jean, pourquoi t'es con? Jean, t'es un bâtard. Jean, tu viens de Sirène, je t'emmerde. Je pisse dans l'arrêt. Jean, t'es un pauvre con. Jean, tu m'aimes pas, pourquoi tu dis Stéphane il va te piquer la place? Non, Stéphane il te pique pas la place. Ah, Jean, tu me suces la bite. Elle est moyenne. Elle est pas grosse. Est-ce que ma bite, elle convient à Sandy? Dans ses fesses, ses grosses fesses, la grosse, la gitane. Jean, c'est Stéphane ici. Oui, Jean, Sandy, elle va te cesser jusqu'au bout. Jean, cesse-moi, Jean. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Vas-y, alors, dites. Ce que j'ai à dire, moi, je serais que toi, je l'aurais pas invité du tout. Non, mais il est venu, il s'est incrusté, il voulait absolument faire les débats avec toi en plus. Oh, ben, moi...